vieillesse voile les regards. La ruse entre dans la maison. Rebecca prépare un détournement pour saisir une bénédiction sans confession. Jacob tremble sous la peau d'un autre. La voix est vraie, mais les mains mentent. Isaac bénit sans voir la fraude. Et l'histoire bascule en un instant. Quand l'homme force la promesse, la blessure entre dans les cœurs. Même quand nous saisissons par la ruse ce que tu voulais donner par la foi, tu permets que l'histoire continue sans approuver nos faux pas. Même quand nous saisissons par la ruse, ta grâce ne s'annule pas. Mais les larmes que nous récoltons rappellent que ton plan ne se vole pas. Bénédiction perdue, la colère devient une menace. Jacob s'enfuit dans la nuit, portant son appel avec sa peur pour trace. Et la maison se vide soudainement de la paix qu'il habitait hier. Car quand la bénédiction est volée, elle laisse derrière elle un désert. Même quand nous saisissons par la ruse ce que tu voulais donner par la foi, tu permets que l'histoire continue sans approuver nos faux pas. Même quand nous saisissons par la ruse, ta grâce ne s'annule pas. Mais les larmes que nous récoltons rappellent que ton plan ne se vole pas. Ta promesse avance malgré nos détours.